était un rebelle, un diable. Il s'appelait Uriel. Uriel, un prophète. Est-elle prouvée? En ce jour, suis-je légende ou réalité? Suis-je la cause ou suis-je la victime de tout ce que j'ai vécu? Tu es